pas eu le choix de pas faire le show. Et des fois de pas faire le chien, j'ai dû prendre le sein normal, pas eu acheter. J'ai pisé les trucs que j'ai pas dû acheter. Dû remettre un jeton et qui a dit que la rue m'a acheté. Produit du star, star dans mon fief. Anti-tabac et tata dynamo de Kiev. Au greffe, j'ai laissé mes empreintes. C'est pour ça que j'ai dû remodeler mes armes récemment peintes. Les putes m'ont apprivoisé comme le pit qu'a pris le voisin. Et je vois ça quelconque. Comme se faire frapper par n'importe quel con, se faire fourrer par n'importe quel que. Peu importe mon cul, je donne pas mon cul. Comme certains d'avoir le choix, c'est incertain. Sortons de cette routine, c'est toujours les mêmes choses que je cantine. On dirait Balokinga, excuse-moi pour la rodka des Lokiga. Cherche à monter de grade, je vois pas trop le temps car la montée crade. L'ovie a monté grave, mon choix cicatrice comme du mercure au chrome. L'ovie apocalypse a le meilleur cuit au chrome. Faire le choix avec mon Glock, épargner les siens. J'ai pas le choix. Baiser ta pute, la jeter par la fenêtre. J'ai pas le choix. Que de la mettre au fond sans pute, j'ai comme une pute. J'ai pas le choix. Accrocher dans le camtar, te finir à coup de balle. J'ai pas le choix. Aimer ta mère et je l'aime à la mort. J'ai pas le choix. Avoir Sarkozy dans mon collimateur. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix de vivre en France. Pas le choix d'être noir avant de la drogue dans cette putain de souffrance. J'ai pas le choix de tirer dessus. C'était toi ou moi, donc j'ai choisi que ça soit toi pour prendre le dessus. J'ai pas le choix de braquer cette banque. Il faut bien que j'habille mon corps, c'est vrai, négro. L'argent ne manque, j'ai pas le choix d'arrêter l'école. J'pense qu'à boire de l'alcool qui rend franchement nos mères folles. J'ai pas le choix de faire des choix rats. À vivre à 10 dans des trois rats. Comprends pourquoi on est tous des caïras. J'ai pas le choix de péter les plombs. C'est normal quand tu vois des racistes blancs qui te regardent mal quand tu passes devant. Pas le choix de vivre dans le ghetto, entouré de ces murs en béton. On se mange les coups de bâton par des négros. J'ai pas le choix d'insulter Le Pen. Ce gros racisme me fout la haine. Faut pas le laisser passer, il veut tous nous. J'ai pas le choix. Faire le choix avec mon Glock, épargner les siens. J'ai pas le choix. Baiser ta pute, la jeter par la fenêtre. J'ai pas le choix. Que de la mettre au fond sans pute, j'ai comme une pute. J'ai pas le choix. Accrocher dans le camtar, te finir à coup de balle. J'ai pas le choix. Aimer ta mère et je l'aime à la mort. J'ai pas le choix. Avoir Sarkozy dans mon collimateur. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix d'avoir la couleur charbon. Chaque jour on risque le ch'tard, mais on tient bon. J'avais pas le choix, garçon. C'est pour ça que je vais péter la mâchoire. J'obéis à mon grand frère quand il dit de m'asseoir. Et ma gueule, si tout se passe bien, c'est OP pour de m'asseoir. Renoir, sois vif pour les éviter. Si t'as pas le choix, ça nique sa mère. Gonfle ton curriculum vitae. Ne me pose pas la question pourquoi c'est comme ça. La ébité. Moi pour des hébis je peux te buter. Quoique parfois j'en ai ras le bol. Quel état skiffe ma queue. Si ma mère m'a mis au monde, c'est pas pour me faire maquer. Marre de voir les putes et les maquerelles sur les quais. Avec un marqueur j'allie les murs. En ligne galant en sunlinké. Moi quand ça me saoule je m'exprime avec le MIC. Y'a que ça qui fait pas perdre la raison. Nicolas j'avais pas choix. C'est pour ça que je te fais subir la pendaison. Garçon ici y'a rien que des majeurs. MC si t'as choix ne donne pas ton confiant à ces majors. Cric, quoi, Mokomi, Balé, Misatu. Ouais mon pote, je connais mon genre. J'ai pas le choix. Faire le choix avec mon Glock, épargner les siens. J'ai pas le choix. Baiser ta pute, la jeter par la fenêtre. J'ai pas le choix. Que de la mettre au fond sans pute, j'ai comme une pute. J'ai pas le choix. Accrocher dans le camtar, te finir à coup de balle. J'ai pas le choix. Aimer ta mère et je l'aime à la mort. J'ai pas le choix. Avoir Sarkozy dans mon collimateur. J'ai pas le choix. Pas admis à l'hôpital psychiatrique pénitentiaire. Nous constituerons un véritable commando. Et nous libérerons tous les détenus. Ça déclenchera un tel bordel que les médias seront bien obligés de parler des conditions de détention dans le QHS de Mende. Et je vous garantis qu'ils le fermeront. Nous avons des armes. Et nous venons de faire un emprunt à la Société Générale pour financer l'opération. Il nous faut des hommes. Et si je dois faire un stage chez les Palestiniens pour m'entraîner, j'irai. Et si Perfide ne fait rien, je lui déclenche une violence comme il n'en a jamais vu en France. Ce sera pire que la bande à Bader. Je suis un spécialiste de la nitroglycérine. Qu'il ne me pousse pas à bout.